Salut à toutes et à tous, on va se marrer. On va se marrer comme chaque semaine avec nos deux équipes. Alors les fans de Bob du club s'inquiètent car ça fait plusieurs semaines qu'il n'est pas dans l'émission. Oui. Donc je voudrais que Bob rassure ses fans. Il a un bungalow. Un bungalow ou un lumbago, pardon. Ah, mais non, il va rassurer ses fans. Bob, est-ce que tu nous entends? Salut Philippe, c'est Bob. Bon voilà, je suis revenu des sports d'hiver, mais pas en très bon état. Ma tête ça va, les jambes ça va pas. Je me suis déchiré les deux mollets. Voilà, donc si vous voulez faire un don de deux mollets à Bob du club, vous écrivez à la station. Mais en même temps, c'est normal parce qu'il a pris sa retraite du temps de Guy Mollet. Donc, donc il sera là peut-être la semaine prochaine. Moi, je crois que c'est parce qu'il avait fait, il avait marché sur des talons aiguilles. Hein. Non, tu le confonds. Alors, à ma droite, vous le connaissez bien sûr puisque c'est le président du fan club de Delanoë à Paris. J'ai nommé GG. Ah ouais. GG dont le slogan préféré est « Vive les piétons ». Connard, salope. À ses côtés, alors là, bien sûr, un indétrônable de la radio, surtout quand il a la courante, c'est Maurice. Que c'est drôle, hein, quand même. Ah, t'es revenu, Maurice, quand même. Exactement, je suis revenu de ma campagne. Très bien. En face, nous avons donc un permanent de l'équipe, oui, dont on attend le grand retour sur scène. Tu vas me le dire toutes les semaines. Oui, jusqu'à ce que ça démarre. Ouais. C'est Frédéric Costet. Ah ouais. Est-ce que tu as changé de sens? Pourquoi? Sur scène, tu tournes toujours? Ah, bon. Ah bah, il y en a ici. Il y a un petit décalage, avec le décalage, c'est là. Mm. L'émission sera réalisée par Davy, comme bravo, chaque semaine. Bravo Davy. Le micro. Et animée par l'ignoble Philippe Bello. Ouais. Alors, cher Frédéric, comme chaque semaine, un invité. Oui, et notre invité cette semaine, ça me fait très plaisir de le recevoir parce que je le connais depuis très longtemps. Ah. Il s'agit de Roland Haussmann. Bonsoir. Oh. Bah, dis donc, tu fais plus jeune que lui. Hein. Mais il est plus jeune que moi. Ah bah, ça se voit. Non, mais que je vous raconte. Oui, bonsoir, alors. Bonjour Roland. Qui bonjour Roland. Bonjour Roland, tout d'abord. Moi, merci. Bonjour, oui. Bonjour Fred. Voilà, je suis là. Bonjour Fred, tu vas bien? Ça va, oh, ouais, ça va. Ouais, on se serre la main, bah oui, c'est très... Alors en fait, Roland Haussmann, ici présent, on s'est connus il y a une vingtaine d'années, quand à l'époque, je faisais partie d'un trio qui s'appelait très élégamment The Smelling Socks, avec mes amis Yala Sediki et Manu Jouklin. En anglais, les chaussettes qui puent, voilà, d'accord, tout à fait. Et nous débutions tous, nous étions très jeunes, très beaux. Ouais, bah oui, on avait un peu moins jeunes maintenant. Et on avait des cheveux. Ouais. Exact. Et bien, figurez-vous que notre première partie, c'était Roland Haussmann à l'époque. Oui. Ah. Et voilà. Et donc, j'ai vu que Roland revenait avec un spectacle. En deuxième partie. Maintenant, c'est lui qui est en vedette aussi. Et donc, je lui dis, viens donc faire l'émission avec nous. Donc, Roland Haussmann est avec nous. Pour quelle actualité? Excuse-moi, je fais ton boulot pendant que tu... C'est bien. Pour quelle actualité, Maurice? Alors, pour son actualité, c'est son spectacle Looking for Didier Vermont, qui se joue tous les samedis sur deux à 20h. Tous les samedis sur deux. Un samedi sur deux. Tous les samedis sur deux. Ça commence. Arrêtez, hein, quand même. Oui. Un samedi sur deux à 20h au Théâtre Populaire de Renitas. Voilà, des platas, si tu veux. 36 rue Henri Chevreau, dans le 20e à Paris, et c'est au métro Pyrénées. Exactement. Voilà. Alors, de quoi parle ce spectacle, Roland? C'est un one-man show, one-man chauve, on peut dire. Enfin, bon, bref. Vous irez voir sur Facebook. Voilà. Vous pourrez me reconnaître. C'est l'histoire d'une... Enfin, c'est une histoire, c'est un... Non, c'est très clair. Oui, c'est très clair. Bon, alors, c'est on a clair. Compris que pour l'instant, c'était un one-man, hein, déjà. C'est un one-man, mais qui démarre par une femme sur scène, voilà. Ah. Clarisse Papineau, elle s'appelle, et elle en a gros sur la patate, et elle va retrouver, donc Looking for Didier Vermont, elle va retrouver Didier Vermont, et on va savoir, enfin, en venant voir le spectacle, pourquoi, qu'est-ce qu'elle lui veut, et donc il y a un mélange de Thelma et Louise, de... qu'est-ce qu'on peut dire d'Alfred Hitchcock, il y a un mélange, voilà, beaucoup d'univers, bande dessinée, c'est très confus, hein, ce que je raconte. Non, on suit. Ce que je veux dire, voilà, c'est que c'est normal que tu joues un personnage qui en est gros sur la patate, étant donné que tu joues un autre spectacle au métro Parmentier. Oh, attends, rire. Tout à fait. Exactement, le dimanche, dans les Quoi qu'il arrive, je fais partie des Quoi qu'il arrive, une petite troupe d'impro parisienne, à 17h à la Comédie des Trois Bornes, donc c'est tous les dimanches. Voilà. Et donc là, on est un duel d'impro, on est deux contre deux. Et Mais alors, pour en revenir, parce que sinon, pour on va pas revenir finir. Sur le One Man Show. Voilà, le One Man. Alors, donc, le One Man, si j'ai bien compris, c'est pas. Il y a plusieurs personnages. C'est pas un enchaînement de sketch, c'est une histoire Exactement, construite. Exactement, c'est une histoire construite, tout à fait. Exactement, c'est une sorte de road théâtral movie où voilà, je suis au volant d'une bagnole au début et je vais retrouver. Donc Didier Vermont, je vais le chercher pendant tout le spectacle. Tu le cherches. Et je le trouverai à la fin et. Ça se termine mal, mais bon. Comme on faut est au pas théâtre, raconter la voilà, fin. Voilà, voilà, voilà. Comme on est au théâtre. Bon, alors évidemment, on a bien compris, c'est quand même un spectacle où on se marre. Humoristique, tout à fait. Ouais. Oui, oui, tout à fait. C'est avec des gags. Avec des gags, des jeux de mots, des jeux de ballons, des lâchers de ballons. Des cascades. Il y a des cascades, exactement. Il y a des danseuses. Des tirs à la carabine aussi. Ah bah toi, tu peux voir la mongolienne. Mon pauvre Maurice, tu peux plus tirer qu'à la carabine. Hein. Tu vas voir, Roland, ouais. Que dans cette émission, il y a un petit peu de tout, hein, évidemment. Oui. Il y a de la culture, évidemment, des questions, des tournées de blagues, d'accord. Des blagues censurées de Maurice ou envoyées par des téléspectateurs. Et il y en a. Hein. Et alors, la première, il y a des épreuves. D'accord. Cette émission est une épreuve. Éliminatoire ou... Oui. Ah oui, d'accord. Ouais, et okay. Donc, la première épreuve de la soirée, c'est le baptême de l'équipe adverse. Car oui, chers amis. Ah, parce qu'il nous fait Guilux d'habitude, ah, Guilux oui, Pierre Belmar. Tu vois. Yeah, donc vous formez deux équipes, et pour que les auditeurs puissent suivre au fur et à mesure de l'émission ce qui se passe, il faut des noms aux équipes. Alors est-ce que, Roland, tu as réfléchi à un nom pour nos deux énergumènes? Les piétonniers de la République. Si ça vous va. Oh oui, très bien. Non. Non. Alors ça c'est pour enfin, c'est pour faire non, plaisir non, hein. Si bien, ça fait pas plaisir non parce que qu'on explique aux auditeurs que ça fait juste avant qu'on prenne l'antenne 20 minutes que Gégé nous tarabusque parce que monsieur est parisien et qu'à Paris la ville de Paris va donc bloquer la partie elle l'a déjà bloqué une partie de la place de la République qui est une grande place à Paris très où il y a beaucoup de passages de voitures et qui sera piétonnière. D'accord. Et comme monsieur ne daigne pas prendre les transports en commun, il prend sa voiture dans Paris. Ouh. Mais je vous emmerde les écolos. Bon, alors, GG, oui. Il faut quand même que tu baptises, enfin ah, que vous baptisez l'équipe de Roland et Frédéric. Alors, les otaries. Les otaries. Les otaries, c'est très bien, les otaries. Alors, les otaries contre les piétonniers de la République, voici, attention, votre première question. D'accord. Et pour un premier point, donc pour une des deux équipes, c'est la première équipe qui donne la bonne réponse qui marque. Stop. Oui, non, Maurice. Non, il y a pas. Toi, t'es quoi, oui. Aux États-Unis, il y a quelques mois de cela, il s'est vendu 9 millions d'exemplaires d'un livre dans les 24 heures qui ont suivi sa sortie. De quel livre s'agit-il ? Harry Potter et la hache de guerre. Ah non. Oui, c'est pour vous. Oui, je vous écoute. Ah oui, c'est à nous. Non, c'est pas ça. C'est pas les poèmes de Marilyn Monroe ? Non. Ça date de quand? On peut oui, ça date d'il y a quelques mois. C'est des mémoires. Un truc sur Frost-Kahn? Non. C'est un roman? C'est des mémoires? Non. Oui, c'est un Harry Potter, c'est ça? Bah oui. Le dernier Harry Potter. Le dernier Harry Potter. Je suis timide. Ils ont pas donné le titre exact. Alors vas-y, dis. C'est quoi? J'en sais rien, moi je regarde. À la recherche du temps perdu, non? Je sais pas, moi je connais pas non plus. C'est le dernier tome de la saga Harry Potter qui effectivement s'est vendu en 9 millions d'exemplaires dans les 24 heures. Ça n'a pas empêché son auteur de sortir du top 10 des milliardaires. Hein. Ah ouais. Alors, chaque semaine, les auditeurs envoient dans la boîte e-miel de Maurice. Maurice, ta boîte e-miel. Alors, c'est radio.ovsm@gmail. Quand tu veux, tu aides. Oui, voilà. Et donc, il lui envoie des blagues dans sa boîte e-mail que Maurice, bien sûr, se fait... Tu t'y mets, toi aussi ? Une joie. Mais il ne les comprend pas, les blagues. Alors, Maurice, boîte e-miel. Oui, c'est un mec qui s'appelle et il devient bûcheron. Mm. Car oui, aimé Sier. Oui, aimé Sier. C'est un rébus. Non, enfin, il faut deviner. Pas, mais c'est pas possible. Fais voir qu'est-ce qu'il a écrit. C'est un mec qui s'appelle Why. Oh là là. C'est un mec qui s'appelle Why, qui va en Amérique. Il se fait engager comme bûcheron parce que Why MCA. Voilà. Laisse-lui la faire. Allez, recommence. Raconte-la, Roland. Alors, mon cher Roland, c'est un mec qui s'appelle Why. Et il devient bûcheron. Oui. Car Why aime chier. Mais non. Déjà, oh là là là là, mais chapeau bas. Non mais c'est l'explication de la blague. Voilà, je sais pas. Le jeu de mots, c'est quoi? Vas-y, non. YMCA. Da da da da da. Oh là là là là là là. Mais quel boulet, c'est pas vrai. Oh le boulet. Ça y est. Dans quelques instants, Roland, nous allons vérifier si nous sommes capables de faire mieux que Maurice, car ça sera la première tournée de blagues. Ah, oula. Reste avec nous, on revient avec Roland Haussmann. Retour, on va se marrer avec Roland Haussmann. Bob t'aurait posé la question, Roland, s'il avait été là. T'es de la famille du boulevard ou pas? Mais non, ouais, ça s'écrit pas pareil. J'aimerais bien. J'aurais bien aimé, mais non. Ça s'écrit pas ça pareil. Ça s'écrit pas pareil, ouais. C'est H-A-U-S-M-N, moi c'est O-S-M-N. Alors, vous disiez tout à l'heure que... Enfin, Fred disait tout à l'heure que vous vous connaissez. Ouais, c'est on vrai. On s'est croisé au théâtre Jean Villard. De Marly-le-Roi. De Marly-le-Roi. Oui. Ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas revus. Voilà, exactement. Ah oui, d'accord. Ah oui, de Manu Joukla à l'époque. Enfin, Fred, ouais. Fred voilà, travaillait avec donc, Manu oui, donc tu as commencé il y a très longtemps aussi. Oui, bah oui, si on veut, oui. Oui. Bah oui. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, je démarrais. Et alors depuis 20 ans, qu'est-ce que tu as fait? Tu as des sketchs, parce que, à l'époque, c'était des sketchs, hein, je pense, du, à l'époque. Du bowling. Moi, je me souviens de son personnage qui me faisait beaucoup rire. C'était un policier un peu... bas de plafond qui s'appelait le commissaire Coudrier. Si oui, je me rappelle bien. C'est vrai, Coudrier, ouais. Ouais, inspecteur Coudrier, ouais, inspecteur exactement. Coudrier. Quand je savais pas quoi faire, bon voilà, je débarquais dans les impros en faisant l'inspecteur Coudrier. Comme ça, les gens m'écoutaient, voilà. Mais oui. En faisant le voilà l'inspecteur. Mais alors maintenant, ça a beaucoup évolué dans le sens où maintenant c'est vraiment un spectacle entier, voilà. À part entière. Exactement. C'est plus des sketchs, c'est plus des impros. Voilà. C'est vraiment un spectacle. Le oui. Dimanche, c'est des impros. Oui, le dimanche, c'est toujours un peu. Voilà, mais oui. On fait en deux fois parce que sinon après les gens savent plus. Là, je parle du spectacle. Le spectacle qui se joue où, Maurice? Au théâtre. Ah oui, c'est toi, Maurice. Alors, au théâtre populaire du Rénidas. Rénitas, pardon. Voilà. Mais regarde la débit. Ouais. Tu dis pédasse ou pétasse? Pétasse à toi. Voilà. Voilà. Oh là là, je rigole. C'est, le nouveau, c'est le nouveau petit jouet de Philippe. C'est au 36 rue Henri Chevaux, dans le 20e, à Paris. Et c'est un samedi sur deux à 20h. Et le spectacle, c'est Looking for Didier Vermont. Voilà. Tu vois que tu parles bien l'anglais. C'est de l'anglais. C'est de l'anglais. Bon, alors tout à l'heure, Maurice a commencé. On va prendre sa suite. Voici la première tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Et on commence par Maurice. On va prendre sa suite, mais pas celle du Sofitel. Ah tiens, Maurice. J'ai pas de jingle. Non, par contre, il y a longtemps que t'as pas fait ta blague du clocher. Ah. Alors là, en plus, maintenant, on a des bruitages pour ta blague du clocher. Donc fais-la très calmement. Et ça va. Alors... On t'attend, hein. Mon cher Roland. Oui, je t'écoute. Quelle est la différence entre un i et un clocher? Comment? Entre un i. Ah, un i, d'accord, la lettre i. Oui, très bien. La voyelle bien et un clocher. Et un clocher? Oui. La lettre i et un clocher, c'est sont tous les deux droits. Non, en réponse, je sais pas, ça vaut mieux. Je sais pas. Alors, le i, c'est la voyelle et le clocher, c'est la consonne. Oh, bravo. Oh là là. Bravo. Voilà, bravo. Juste, je crois, mon cher Philippe, je crois que ça va rapidement nous énerver, tes petits Non, c'était juste pour la blague du clocher. Ouais, parce qu'il y a longtemps qu'il l'avait pas bien faite. Alors, de mémoire. Hein, oui, quand même. Ah oui, sans les de notes. Mémoire. Sans les notes. Quelle est la différence entre un i et un clocher? Ah, ah non, bon, on sait pas. Le i, c'est la voyelle. Moi, je rends les armes. Bravo. Tu vois, même les invités pensent que tu le fais exprès. Oui, ouais, ouais. Si. Alors, j'ai une petite mignonne. Oh, y a là, je l'ai déjà faite, mais tant pis. Que doit faire une femme dont tous les amants meurent du tétanos? On sait pas. Changer de stérilet. Oh, ouais. Oui, bah c'est good. C'est un type qui sort d'un supermarché et il voit un clochard en train de brouter de l'herbe. Alors il dit, mon vieux, qu'est-ce qui vous arrive ? Bah, c'est-à-dire que je n'ai plus à manger, alors j'en suis réduit à brouter de l'herbe. Oh non, ça me fait de la peine ce que vous dites. Mais écoutez, venez chez moi. C'est vrai ? Oh monsieur, vous êtes la bonté même. Est-ce que ce serait pas abusé de demander si je peux venir avec ma femme ? Mais bien sûr, mais il n'y a pas de problème, venez avec votre... Mais nous avons 5 enfants. Mais bien sûr, venez avec votre femme et vos 5 enfants, il n'y a pas de problème, on a un grand jardin. La blague de Roland Haussmann. D'accord, elle est courte. Quelle est la dernière chose qui vous passe par la tête lors d'un grave accident d'auto ? On sait pas. Les vertèbres. Alors, dans l'émission, il y a autre chose que tu vas découvrir. Ouais. C'est la roulette russe. Ah oui, d'accord. La roulette russe est très simple. Nous lançons une roulette russe qui consiste à te donner des mots. Des mots qui correspondent à des blagues historiques de Maurice ici présent. D'accord. Donc tu choisis un mot au hasard, tu dis stop, quand tu veux tu dis stop, et instantanément, sans aucune note, immédiatement, Maurice raconte sa blague, une des blagues préférées des auditeurs. Donc attention, tu dis stop pour la blague, voici la liste de mots top roulette russe. Poussin, Maya l'abeille, perchiste, roue de secours, top. Ah, roue de secours, voilà, ah celle-là c'est vrai qu'il y a longtemps qu'on l'a pas eue. Là. Mon cher Roland. Oui, c'est pour moi. Qu'est-ce d'accord. Qu'est-ce que poil oui. de carotte ouais. Dans un sidecar. Voilà. Voilà, ça c'est la question. Ah, c'est ouais. tout. Point d'interrogation. Là, tu dis. Alors là, je ne sais pas. Là. Ah, je. Pas, tu je sais pas. Bah, non. Eh ben, c'est un ouais. un roux qui un roux un roux qui crie vrai. Au secours. C'est pas possible. Un roux. Mais non, mais j'ai fait un quelque chose. Cool. Non mais. Un roux cool. Un roux cool. Mais il est con, mais il est complètement con. Elle est quand même facile, cette ouais. blague. Il y a plein de gens dont c'est un roux de secours. Ah, ah bah quand même. Ah, ah mais oui. Ah bah oui. Voilà. Ah, là, elle est drôle. Là, elle est drôle. Voilà. Enfin. Il y a plein de gens dont on dit qu'ils sont partis trop tôt, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Non, il était dans le sidecar, celui-là. Ouais. Bon, eh bien, alors, juste après cette courte pause. Nous allons avoir l'épreuve dramatique du trivial. Oula. Ah oui, là c'est là, avec, ça, là, avec c'est intellectuel. Avec un nouveau une nouvelle boîte. C'est pas vrai. Si si si. On vous explique tout ça juste après cette courte pause, toujours avec Roland Haussmann. Ouais. Retour, on va se marrer. Depuis le rayon Crackers Belin du supermarché. Parce que Fred, vous avez remarqué quand même que Fred vient avec ses munitions. Ah bah, il faut bien nourrir nos invités, il faut bien les accueillir correctement. Bah, il y en a quand même du stock. Oui, bah, ils se démerdent avec le leur. Nous, on fait avec le nôtre. Donc, Roland. On va nourrir l'équipe d'en face. Mmh, mmh. Vous avez compris qu'il y a deux équipes, qu'il y a des points à marquer. Mmh. Pour l'instant, vous menez face aux piétonniers de la République. Et donc, il y a l'épreuve du trivial. Ah. Chaque semaine, je tire au hasard. Oh bah ça fait des années que tu tires au hasard. 2 cartes dans le boîtier du trivial. Deux. Ah non, bah ça a changé. Oui, alors justement, je ne connais pas l'année là. C'est une édition 20e siècle. C'est plus le même que d'habitude. C'est plus le même que d'habitude. Donc c'est un nouveau boîtier grâce à Frédéric. C'est les questions du 20e siècle. Ouais, c'est un boîtier, le boîtier rouge spécial 20e, édition 20e siècle. Une carte par équipe. Une carte par équipe. Oui. Ah, écoute bien, parce que les règles sont compliquées. 6 questions par carte. Mmh. Le but du jeu étant de répondre à un maximum de questions pour marquer un maximum de points. D'accord. Vous pouvez bien sûr vous consulter à chaque fois pour trouver la réponse. Mais si toutefois vous connaissez la réponse sans vous consulter, dans ces cas-là, vous dites « cash ». L'un ou l'autre, vous donnez la réponse. Et dans ces cas-là, au lieu de marquer un point, vous en marquez deux. D'accord. C'est extraordinaire. Donc si on sait, on est sûr, on dit « cash ». Cash. Et si on ne sait pas, on discute. Voilà, voilà. Mais dans l'oreille. Et si vous êtes passionné, non, non, au micro. Au micro, sûr, parce que la carte est pour vous. En face. Ah bah oui, mais c'est pour vous la carte, c'est pour vous, c'est votre carte. Okay. Si vous échouez lors de la réponse, évidemment, l'équipe adverse. T'es pire que ton complice, quoi, tu savais. T'es pire que l'autre avec ses grignotis là dégueulasses de Carrefour. Non, non, regarde, tu vois, on va réveiller de l'animosité, on va être fair play, on leur en donne. De la merde, ouais. Reste là. T'as vu la radine. Mais regarde, regarde, tu vois. Tu vas voir quand les bolcheviks vont arriver, il faudra partager. Bon, je sais même plus où j'en étais maintenant. Les sondages, c'est pas prêt d'arriver. Ah oui, alors voilà, voilà. Ouais. Donc si vous ne répondez pas correctement à la question, l'équipe adverse peut donner la réponse à votre place et marquer le point. D'accord. Et si on se trompe? Donc l'équipe adverse peut répondre à votre place. D'accord, marquer un point. Et marquer un point. Et prend pas le point directement. D'accord. Alors, habituellement, on fait choisir Bob parce qu'il est très mauvais joueur. Ah oui, il dit toujours que c'est tric. Donc là, on va faire jouer GG qui, lui, par contre, est très bon joueur. Oh, tu parles. GG. Oh, tu parles. Pourquoi qu'est-ce que tu dis, Maurice? Oui, très bon joueur. Attends, de toute façon, toi, tu la fermes quand tu. Je vais la fermer. Non. Et des fois, il dit des caches qui sont intéressants. Ah oui, ça, les schtroumpfs, on s'en rappelle. Ils sont violets maintenant. Ah ben. Alors, c'est les bleus que GG t'a filé. Carte 1 ou carte 2, GG? Carte 2. Ah, c'est celle-là. Ben, on va commencer par votre équipe. Mmh. Hein, je propose quand même qu'on commence par leur équipe, oui, puisque d'accord. Ce sont eux qui sont menés. Merci. Donc voici votre carte. Prêt, Maurice? Bien sûr. Où est née Inès de la Fressange? Je vous propose Paris, Salzbourg, Saint-Tropez ou Palm Springs? Non. Springs, Palm pas Springs. Strings. Les strings, ouais, c'est ça, ouais. Paris, Salzbourg, Saint-Tropez ou Palm Springs? Vous pouvez vous consulter ou cash si vous êtes sûr de la réponse. Inès de la Fresse. Salzbourg. Oui. Cash. Non. Non, dommage. Donc, les otaries, là, vous pouvez donner la réponse. Alors, donc, on sait déjà que c'est pas Salzbourg. Il vous reste Paris, Saint-Trope ou Palm Spring. Ça a l'air exotique. Et le dernier, c'était quoi l'autre? C'était Salzbourg, mais on sait que oui, mais il y avait un autre truc Palm en France. Paris ou Saint-Tropez? Oui, Paris. Paris ou Saint-Tropez? Saint-Tropez, tu le sens pas, Saint-Tropez? Tu veux? Bon, allez, moi je suis. Allez, Saint-Tropez. Saint-Tropez. Saint-Tropez, eh bien, c'était pas. Ah, merde! T'avais raison. Excuse-moi, après. Non, moi j'allais dire Palm Springs. Ah, oui, t'allais dire Palm c'est Spring. Paris. Bon, bah d'accord. Alors, les piétonniers, quel militaire publia un ouvrage intitulé Le fil de l'épée, un militaire dans les années 30? Un militaire dans les années 30 qui publie un livre qui s'intitulait Le fil de l'épée. Militaire bien sûr très connu. Bah, j'imagine. Maurice, il est mort. Des militaires très connus. Bah, depuis que tu l'as dénoncé aux Allemands. Bijard. Mec. Ah, oui. Vous vous consultez ou. Cash. Tu dis Cash? Oui. Alors fais-le correctement. Cash Bijard. Non. Charles de Gaulle. Oui. Bravo. Eh oui, bravo Frédéric Coster. Ah oui, là. Tiens, on tape dans la main. Quelle ville? Attends, le général Leclerc. Non mais attendez, qui sont là? C'est toi qui as choisi là. De facho de merde. Le général Leclerc jura-t-il de libérer par le serment de Koufra? Ah, Paris, cash. Paris, cash, ouais. Non. Attends. Le général Leclerc a juré de libérer une ville dans le serment de Koufra. Bah Koufra. Quelle était cette ville? Non. C'est. Donc ce n'est pas Paris. C'est pas Koufra? Non. Je me demande si Pas. Ils ont perdu là. Bah, je veux dire aussi. Alors c'est pas Paris. Perdu. Je me demande si c'est pas Tripoli. Non, oui. C'était Strasbourg. Ah bah c'est pas loin. Strasbourg. Alors là réfléchissez parce que vous avez la réponse tous les deux. Quelle palme d'or française fut sifflée à Cannes en 1987? Je sais. Une palme d'or à Cannes. C'est pour un film. Pour un film qui a été sifflé quand on a annoncé qu'il avait la palme d'or. Le film a été sifflé. Ouais. C'est bon. Oh là c'était là, en oui, 87. Je connais. Je l'ai. Ah, on l'a. Bah, attendez, c'est d'abord GG et Maurice qui doivent donner la réponse. Oh merde. Non mais vous l'avez. Hein. Oui. Je sais, je me souviens, c'est un truc qui a fait scandale. Quoi je sais pas le nom. Maurice. Attends, je cherche. Oui, bah, enfin, cherchez vite. Cherchez mieux. Ouais. Cherchez mieux. Bah oui, on va pas passer Roger Jeannin non plus. Ni Rocher Bobois pour ceux qui sont dans le meuble. Non, pas de. Au hasard. Non. Là, ils vont la voir. Chez les Thaïlandaises. Bien sûr, ils l'ont, ils travaillent. Peut-être, peut-être. Oui. J'ai l'air sûr, mais non, pas, mais... pas si sûr que ça. Non, mais il l'a, mais il l'a. Ben, alors, en cash ? Oui. Maurice Piala sous le soleil de Satan, je pense. Eh oui, enfin. Je te donnais un indice, je te faisais un bras d'honneur. Mmh. Il avait fait un bras d'honneur. Oui, Piala, ouais. Oui. Voilà, Piala. Mais c'est taqué un point. Hein, quand même. Et il a dit, sachez que si vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus. Alors Maurice, ouais, tout à fait. Là, tu le sais parce que je sais que tu aimes la musique. Alors lui, on préfère quand c'est Maurice, pas là. Quelle marque de guitare électrique distribue les modèles les Paul? Comment? Il y a une marque ouais, de guitare très célèbre, mmh, qui a un modèle qui s'appelle les Paul. Les plus loin Paul. Les, t'écris ça comment? L-E-S plus loin Paul. Les Paul peut-être. Les Paul. Les Paul. Les Paul. Non mais c'est les plus loin Paul. P-A-U. C'est Les. Ah, Les Paul peut-être. C'est un prénom. Mais c'est une marque c'est... très connue de guitare. C'est Paul Boucher, cash. Paul Boucher. Non, non. C'est, un, c'est une boutique, ça, c'est pas une marque de guitare. Je veux dire, ouais. Vas-y. Gibson. Bah oui. Bah oui, les guitares Gibson. Voilà, bah oui, ouais, GG. Voilà. Bon. Je préférais tes questions des années 15-50. Alors, la dernière question, ouais. GG. Que faut-il porter obligatoirement, même en ville, depuis 1979? Que faut-il porter obligatoirement, même en ville, ouais, depuis ouais, 1979? Quand t'es piéton ou... La question, c'est depuis 1979, s'il y a une obligation de porter quelque chose. Je sais pas, moi je dirais ça, même. C'est pas sa carte d'identité, c'est pas obligé. Ah, peut-être, ouais. C'est une obligation depuis 1979, je pense que GG pendant des années n'a pas dû le porter. Bah alors, sa carte d'identité... Une pièce d'identité. Non. Non. La ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité. Oh là, ah ouais, moi ça fait 3 ans. Je suis désolé. Hein, j'ai révisé avant de venir. Bon, et on appelle ça porter une ceinture de sécurité. Bah oui. Bah, oui, c'est ça, ouais. Qui c'est qui a amené le boîtier rouge là? Ah bah je sais pas moi. On appelle ça boucler. Mm. Donc, bah, GG, pour l'instant, vous n'avez pas c'est fait pas vrai, hein. Non, bah, non, là, vous peut-être que la deuxième bilan carte était plus facile. Rien, bah, pour fêter ouais, ça, ouais, on va en ouvrir un autre. Ah, bah, GG, ouais, essaye de récupérer des snackers. Ouais, peut-être que ça va vous donner un peu de tonus. Peut-être ça... bon. Non, rigole pas. Je me suis la gueule, moi. Voilà, bah, alors, attendez, tout n'est pas perdu, car dans quelques minutes, Roland et Fred, vous allez avoir votre carte. D'accord. Mais on t'attend. On oui, t'attend, Philippe, oui, on t'attend. Mais avant cela... Une courte pause. Oui, et on sollicitera Roland juste après la courte d'accord pause pour voir s'il est capable de nous faire rire. Ouais, pas sûr. Mais t'as intérêt quand même. Allez, on revient ouais, avec non, Roland Haussmann. Retour d'On va se marrer avec Roland Haussmann. Ouais. Bonsoir. Bon, alors Roland, oui. Roland, est-ce que tu as vu un film qui s'appelle Fausse blonde infiltrée? Oh non. Oh non. J'aurais bien aimé, mais je ne te le conseille. Ah, oui. Ah, alors oui, ouais, maintenant on a décidé de faire une chronique avec ouais, les recommandations de la Cinémathèque française. Ah oui. D'accord. Alors Frédéric, donc la Cinémathèque cette semaine nous recommande quoi? Fausse blonde infiltrée, un film avec les frères Wayans. Ah. Où ce sont deux inspecteurs du FBI, oui, fausse blonde infiltrée. Oui. Hein, c'est oui, très intelligent. Oui. Qui il y a deux, genre Paris Hilton et Nicole Richie, mm-hmm, qui sont en danger, et donc les deux qui sont deux grosses baraques musclées d'1m90 vont les se déguiser en filles, se déguiser en ces deux nanas pour les remplacer, ah, pour se faire enlever à leur place, avec des répliques dignes de la comédie française. Ah, tu en as une au hasard. Du style, oui, bah oui, tiens, viens, je vais te la tailler la barbe. Ou, il parle d'autre chose, bien sûr. Mmh. Ou, il y a ce putain de string qui me rentre dans l'arrêt. Voilà, c'est un film d'auteur avec un, ah, avec oui, un H. Ça a été primé, non? Ça, avec une hache, oui. Bon, et bien après d'accord, ce moment cinématographique... Fausse blonde infiltrée, donc. D'accord. Ah, je vous le conseille. Mm. Roland Haussmann oui, est oui, actuellement sur scène dans un mm, spectacle qui s'appelle Looking for Didier Vermont. Tout à fait. Mm, mm, et mm, c'est un samedi sur deux à 20h oui, au théâtre populaire du Renitas, oui, dans le 20e arrondissement, au 36 rue Henri Chevreau. Merci Maurice. Eh bien, je pense que dans cette émission, le public présent ce soir et les auditeurs aimeraient un petit extrait du spectacle. Donc, voici sur scène Roland Haussmann. Ouais. Lily, bonsoir. Bonsoir. Lily, la première fois que j'ai vu, trop jolie. à tomber par terre. Une nana si éblouissante, si étincelante, si luisante comme les étoiles, qu'à sa vue, j'ai chu. J'ai chu dans les pommes. J'avais à peine 17 ans. J'étais trop cool assis dans le tromé, quand tout d'un coup, on me péta sur l'épaule. Vu que j'étais de dos, je me suis dit, j'acquis force intérieure, maîtrise de soi, tai chi, high kick, low kick, front kick, vas-y, nique le toufik. Je me retourne. Fou. Trop je rêve. La nana, une pure star. Tu vois une star, la même. Mais elle, en vrai, elle me touche. Dans le tromé, tout le monde la matait. Elle était trop bonne, trop nebo. Et MP Tawam. Cool. Cool, fly, nanana, nice. Pamela Choufleur à côté, c'est de la caissière d'attaque. Jamais j'avais vu une nana comme ça. Une aurore boréale, une éclipse solaire, une Ferrari MG Skoda Dodge Viper. Une bonne tranche de pain d'épices beurré trempée dans un grand bol de chicorée chaude. Elle éveilla en moi un relâchement épidermique tel que sa vision seule suffit à ronger mes entrailles d'une phénoménologie baroque éclairée. Yes. Cool, fly, nanana, nice. Bref, pour la première fois, Gemma. Gemma comme Jama, Java, Emma. Obligé de sortir le grand jeu. La Gomina. Bon, il n'y a que vous qui pouvez la voir. Le Stiley. Le Look. Robert De Niro. Al Pacino. Marlon Brando. Gérard Junior. Le style. Le look que j'ai à chaque fois que je me fais recaler à l'entrée du Balumba Night, non ? Les baskets ? Ok, je vais pour lui demander ce qu'elle me veut. Hein ? Qu'est-ce que tu veux, ta mère ? Et elle, elle me sort. Oui, bon, c'est du mime à la radio. C'est... Bonsoir, jeune homme. Je pourrais voir votre titre de transport, je vous prie ? Même pas, j'y crois. Je tombe, je meurs, j'agonise, j'hallucine, quoi. La nana, la pure star, était un leurre. Un contrôleur. En fait... Le délire, c'est que mes pieds-pas, je les avais pas sur moi. J'avais pas de ticket non plus. Elle me fait, c'est pas grave, on va s'arranger. Vous me suivez sur le quai ? Ouais, ouais, une bonne meuf en vue, pas de PV, chambé. On descend sur le quai, ouais, ouais, il y a les keufs partout. Alors, Bruce Willis, comme ça, on s'est trouvé une copine, hein ? Elle m'écrit une lettre, là. Elle me laisse son adresse. 50 euros d'amende ? Sympa. 06-06-22-22-22, Lily van der Kusche, une Belge, une Hollandaise, une Hollando-Belge. Lily, elle est partie dans la nuit. C'était peut-être l'amour de ma vie. C'est pas simple de faire un sketch visuel à la radio. Il fout un peu les jetons, oui. Quand même. Oui. Mais alors lui, c'est un personnage récurrent dans le spectacle ou C'est un des personnages. C'est un des personnages du spectacle. C'est le narrateur, en fait. D'accord. Qui tout d'un coup arrive au milieu du spectacle et dit que lui aussi, il est drôle. Et donc, il raconte sa fille. Il fait tout d'un coup une sorte de stand-up comme ça. Il raconte voilà, quand il était 15 ans, comme si ça intéressait tout le monde. Voilà. Bon, c'est vrai qu'à la radio... Alors, c'est vrai qu'on vous le dit souvent, mais c'est la vérité que faire un sketch comme ça à la radio tout de suite, c'est pas facile. Et puis alors, en plus, quand... Effectivement, dans le sketch, t'as de la mise en scène avec des autres. C'est un personnage en situation où il faut imaginer. Voilà. Mais on s'est bien barré quand même. Je pense que vous aussi chez vous. Alors, vous allez voir Roland Haussmann si vous avez la chance de pouvoir venir sur Paris. Maurice. Alors, c'est au théâtre populaire du Renitas, au 36 rue Henri Chevreau, dans le 20e à Paris. C'est au métro Pyrénées et c'est un samedi sur deux à 20h. Est-ce qu'on peut te voir sur Internet ? Tout à fait. J'ai un lien sur Dailymotion. Looking for Didier Vermont sur Dailymotion, il y a une bande-annonce. D'accord. Et voilà. Alors, et j'imagine que tu as aussi un Facebook. Oui, j'ai un Facebook, exactement, au nom de Roland Haussmann, donc R-O-L-A-N-D-O-S-M-A-N. Voilà. Pour pouvoir avoir les infos, puis voilà. toute ton actualité, puis éventuellement, si effectivement tu pars jouer en région. En province, oui, en région. Tu l'indiques sur ton Facebook, je l'imagine. Exactement, j'indique toutes les dates. Voilà. Bon. Eh bien, j'espère que tu t'es bien chauffé, Roland, oui. Car juste après cette très courte pause, ouais. C'est votre quart. D'accord. Ah, et là, GG a pris des forces pendant ton sketch pour pouvoir contrer votre éventuelle carte et remonter la pente. Si c'est de la même nature que la précédente, merci. Car je rappelle à nos aimables auditeurs... Mais on n'est pas à la télé. Oui, c'est pas la peine de rappeler. Hein. Que pour l'instant, les otaries ont 5 points, GG... Et que ton équipe, donc les piétonniers de la République, vous n'avez marqué que 0 points. Pourquoi ils ont 5 oui, points non, mais alors on a... qu'ils ont répondu à une question et deux des nôtres. Non, plus que 2. Hein. Ah oui, plus que 2. Oui. Eh oui, plus que 2. Non, bon. Mais on n'est pas perdu. Ah hein. Non, non, tout n'est pas perdu. Bien sûr, bien sûr. Non, mais tu sais, ça couchaille dans cette émission. Ah oui, c'est vraiment nous, on perd tout le temps. D'accord. Allez, juste après la pause, la carte de Roland Haussmann, là tout de suite. Oui, oui. Retour, on va se marrer avec Roland Haussmann. Roland, attention. Oui, non, attendez, c'est un peu raisonnable quand même. Roland, donc c'est votre carte avec Frédéric. D'accord. C'est le même principe que tout à l'heure. Ah bah heureusement que tu n'as pas changé les règles entre-temps. J'aurais pu. Vous pouvez donc vous consulter ou pas, c'est comme vous le souhaitez. Oui. Pour marquer des points. Est-ce que vous êtes prêts? Ben oui, bien sûr. Attends, je vire ce qu'il y a au milieu parce que si j'avais cache les cacahuètes. Voici votre carte. Allez. Sur quel radeau Thor Heyerdahl a-t-il réalisé sa traversée du Pérou vers la Polynésie? D'accord. D'accord, c'était en 1563, c'est ça? Oui, je connais pas la date. Non, d'accord. Par contre, le nom. Alors, moi, je vais dire cash. Oui. L'âne qui broute. Bonne réponse. Ah. Non, par contre, je connaissais la réponse. Je savais pas que c'était. Voilà, mais la réponse est connue. Le radeau de la Méduse. C'est plus à nous. C'est à eux. In the microphone. Ah oui. La Méduse. Le radeau de la Méduse. Non. C'était le Kon-Tiki. Ah, le Kon-Tiki. Le Kon-Tiki. Ah, ouais. Quel psychanalyste. Oui. Spécialiste des enfants, est devenu célèbre avec son ouvrage Le cas Dominique. C'est ça, toi ? Ah oui, là, quand tu cherches. Oui, tout le monde le sait. Ouais, hein. Même Maurice. Même moi. Sans retourner la carte. Je vais tenter un cash. Ouais, ah, tu me pardonnes si. Bien sûr, non, je te suis tout à fait. Bettelheim, Bruno Bettelheim ? Non. Ah merde ! Je vous répète la question. Quel psychanalyste célèbre avait un fils chanteur dans la poche. Et ah bah Françoise Dolto. Dolto. Ah oui, Claude François. Mais j'avais pensé Françoise Dolto. Il a parlé d'enfant parce que Françoise Dolto elle était. Oui, bravo. On l'avait en tête. Et tu leur as pas donné déjà peut-être. Non. De toute façon, j'aurais dit Françoise Dolto parce que quand il a parlé d'enfant par rapport aux enfants. Et un fils chanteur, on connaît. Bah évidemment. Moi aussi un fils chanteur psychanalyste. Oui, tu aurais dit Dolto. Je sais qui c'est. Tu m'aurais dit, je sais qui c'est, mais je sais pas le nom. Voilà. Attendez. Je te l'ai dit en même temps. Ils reviennent au score, là. Ils ont marqué un point. Dans quel fort fut interné le maréchal Pétain à son retour en France en 1945 Cache l'île Dieu. Non. Non. Un fort. Alors, c'est où? Je sais que c'est sur l'Atlantique. Sagan. L'île Dieu. Non. Boyard. Mais on peut les gêner comme ça. À La Rochelle, il n'y a pas de fort. Non, mais Maurice, il le fort sait. Béal. Ouais, le fort, ouais. Le fort Mahon. Fort Mahon, bien sûr. Le fort micro-ondes. J'allais le dire, tu m'as grillé d'une seconde. Maurice. Le fort Mika. Où ils font fort Boyard. C'est Fort Boyard. C'est Fort Boyard. Le fort de. On n'est pas de cache. On est Fort Boyard. Non, c'est pas ça. C'était le fort Montrouge. Ah, on n'était pas loin. Le fort de Montrouge. Le fort de Montrouge. Ah, Montrouge. Je crois qu'il était du côté de La Rochelle. Et non. Mais non, il était à l'île-Dieu. Et il a été enterré, soi-disant, à l'île-Dieu. Qui était la star de la revue Nègre? Cache Joséphine Baker. Ouais, Joséphine Baker. Bien sûr, Joséphine la boulangère. Ouais. Qu'est-ce qui relie Sheraton à Sanguette? À Sangatte. Oui, à Sangatte. Et quoi? Et donc l'autre mot, peut-être c'est autre Qu'est-ce chose. Qui relie Cheriton. Quoi? Non. Cheriton. Ah, c'est comment un nom anglais. C'est anglais. Écrit C-H-E-R-I-T-O-N. Donc qu'est-ce qui relie Cheriton à Sangatte? Bon. C'est la Manche. Déjà, Cheriton, c'est le. C'est le bistrot qui est la sortie de la guerre de Garges-les-Galles. Non, t'es sûr? C'est pas en Angleterre, Sheraton? Mais j'en sais rien, moi. Si, j'ai l'impression que Sangatte, c'est en France, Sheraton. Mais non, les accords de Sangatte, c'est. Bon, bah, répondez. L'Eurotunnel, je sais pas, non? Oui, c'est l'Eurostar. Correct. Enfin, le. Ah. Eh oui. C'était bien le tunnel, c'est pas que des conneries. Et enfin, dernière question. Mais c'était en cash, hein. Non, il n'a pas dit cash. Non. Ah, t'as pas dit cash. Vous êtes consulté. Et au bout de 10 minutes, quand même. Et enfin, comment s'appelle le parc d'attractions de Poitiers? Cash, le Futuroscope. Yes, Cash. Ouais. Le Futuroscope de Poitiers, bien sûr. Merci, comme ça on finit. Oh là là là là, là. Je sais pas comment vous allez faire pour remonter ça. Mais on s'en fout. Bon, à leur âge, ça fait longtemps qu'ils remontent plus rien. C'est truqué. Bon, allez, pour remonter la pente, une petite tournée de blagues. Et maintenant, quand on va se marrer, c'est l'heure de la tournée. La tournée de blagues. Un type se fait accoster par une pute. Oh, allez, voilà. Ouais, oh non. Voilà. Alors chérie, on monte. Bah combien? 500 balles. 500 balles, mais c'est vachement cher. Oui, mais à ce prix-là, je te fais le coup de la campagne électorale. Ah. Bah le mec, il monte quand même parce que ça l'intéresse. Il se déshabille, il commence à se caresser. Et le type lui dit, bon bah alors on y est. Alors c'est quoi le coup de la campagne électorale? La fille enlève alors son œil de verre et lui dit, allez, vas-y, bourre-moi le crâne. Oh. Oh. Ah, c'est fort. C'est fort. Oh non. Bon appétit si vous êtes à table ou si vous allez passer à table. Alors, on demande une interview à George Bush. Lequel Monsieur Bush, écoutez. Le père ou le fils? Alors, le fils. Ah. Excusez-nous quand même. W. Monsieur Bush, W. Bush. Honnêtement. Mais vraiment. Monsieur W. Pour une fois, honnêtement, dites-nous une chose vraiment honnête. Quelle preuve avez-vous que l'Irak a des armes de destruction massive? Very well, very well. Très, très facile. On a gardé les factures. Excellent. Bravo. Excellent. Ah, ça, c'est beau. Ouais, c'est politique. C'est engagé. Alors, c'est Gérard, c'est Gégé qui est en voiture et qui se fait arrêter pour un contrôle. Et alors, qu'est-ce qu'ils veulent encore, ces flics et tout ça, Et le gendarme arrive, donc Gégé ouvre sa fenêtre. Et l'officier fait « Bonjour monsieur, gendarmerie nationale ». Et Gégé qui répond « Eh ben c'est bien fait, t'avais qu'à travailler à l'école ah, ouais. ah, je peux pas c'est faire ce que mieux. Je pense souvent d'ailleurs. Bon alors la blague de Roland. Oui, oui, oui, alors elle est un petit peu longue là. Hein. Ça, c'est... Oui, c'est bon. C'est pas, on a le temps. Alors un couple de touristes remonte l'autoroute du Sud à la fin des vacances. En quittant une aire de repos, la passagère s'écrie « Regarde moi une chérie ». On va dire qu'ils sont du sud. Il y a des gens qui ont laissé un barbecue. Oh. Super, dit le mari, on l'embarque. 20 km plus loin, ils sont arrêtés par un barrage de police. Descendez et ouvrez le coffre, dit un motard. Mais pourquoi? On roulait tranquille et... Ouvrez le coffre, s'il vous plaît. Le conducteur obtempère et le motard ouvre deux yeux ronds en découvrant ce qui se trouve dedans. Et ça, qu'est-ce que c'est, dit-il. Bah, c'est un barbecue qu'on a trouvé sur une aire d'autoroute, pas loin d'ici. Attendez, c'est drôle, c'est la chute là. Ah bon, attends. Ouais, le suspense. Le motard retourne à sa moto, branche sa radio et dit « Ça y est, chef, je les tiens, ceux qui ont piqué le radar. » Bon, eh bien, dans quelques instants, oui. Nous aurons une nouvelle épreuve. Ah merde. Pour à nouveau essayer de marquer des points. Tu vas raconter une blague? Non. Non, mais j'aime bien les blagues avec les accents, c'est vrai. Oui, bien, bah, vous avez les mêmes pneus comme moi. T'es content? Voilà, et juste après cette courte pause, Roland, une nouvelle épreuve. Donc attention, restez avec nous. On revient avec Roland Haussmann. Oui. Retour, on va se marrer avec Roland Haussmann. Ouais. Alors Roland, tout à l'heure on a parlé donc plusieurs fois du one man et en début d'émission donc tu nous as dit qu'en dehors du one man tu faisais autre chose. Des crêpes. Oui. Régulièrement. Oui. Des galettes. Oui, au niveau du spectacle. Hein, parce oui, non, on parle du spectacle bien évidemment. Sûr, oui, on n'est pas sur Cuisine TV. D'accord. Donc, ben oui. Non, mais c'est... Alors donc, oui, donc je fais de l'impro, des matchs d'impro également. On n'est pas sur Cuisine TV, même si avec des blagues, quelquefois on fait des fours. Oh, oh, voilà. Oui, mais elle redonne la frite. Oh, et la patate. Oh, oh, et ça se passe à Parmentier. Oui. C'est bien, oui. C'est, hachis, c'est bien de refaire des blagues que j'ai fait il y a une heure et qui n'ont déjà pas marché la première fois. C'est, voilà. C'est des comiques de répétition. Mais oui. Alors oui, donc tu nous disais. De l'impro, des matchs d'impro également. Alors les matchs d'impro, ça se passe quand ça? Alors vas-y, ça se passe dimanche. Un extrait. Un extrait d'une impro. Voilà, c'est ce qui se passe en ce moment. Exactement. Et donc on improvise. Les gens écrivent des thèmes, ils écrivent deux trois mots. Mais quand tu dis les gens, c'est-à-dire le public? Le public, oui, bien sûr. Alors le public vient dans la salle. Des fois, il y a des gens dans la salle, oui. Et ils vous écrivent sur un papier un thème et vous devez vous démerder. Passe-moi le sel, machin. J'ai mangé des crevettes à midi. Enfin, ce que. Ouais. Bien sûr. Bon, enfin bref. Et dans le soutien-gorge. Et donc. Pourquoi j'ai dit ça? Et donc le but du jeu, c'est d'improviser. Exactement, le but du jeu, c'est de poser une situation, d'improviser, et ensuite le public vote pour l'équipe qu'il a préférée. Ah, d'accord. Voilà, on est deux contre deux. Il y a l'équipe des rouges contre l'équipe des noirs. Il y a un coach dans le public de chaque côté, donc voilà, quoi, qui nous donne un cri de guerre. C'est sympa. Qui nous coach. Oui, non, c'est très sympa. Les gens rient, s'amusent, et nous et également. Ça, et ça s'appelle duel. Quoi qu'il arrive, match d'impro. Duel d'impro, quoi, voilà. Oui, Maurice. Quoi qu'il arrive, match d'impro, oui, c'est ça. Et c'est à la Comédie des Trois Bornes, voilà. Au 32 rue des Trois Bornes à Paris, dans le 11e, et c'est le dimanche à 17h. Voilà. Ah, ben voilà, c'est bien ça. Ouais. Voilà. Très bien. T'es content, Fred, hein? Oui, et là, la promo est bien faite. Ouais. Là, bon, alors, Roland, on a une autre épreuve dans l'émission qui s'appelle TEPAC. D'accord. Une épreuve assez simple, c'est une épreuve d'enchères. Ouais. Je vais vous demander combien, à votre avis, êtes-vous capable de me citer de pays producteurs d'huile d'olive de manière industrielle? Parce qu'il y a des pays qui bricolent, qui font de l'huile comme ça, mais des pays qui produisent de l'huile d'olive de manière industrielle. D'accord. Et combien il en faut? Ah ben, combien vous êtes capable de m'en citer? Qui c'est qui commence? Eh ben, vous. Bon, voilà. Un. Un. Gégé et Maurice, est-ce que vous êtes capable de me citer plus d'un moi, j'en produit cite plus d'un. Trois. Ah oui, oui. Trois. Ah oui. Voilà. Ah oui, il faut faire monter. Quoi. C'est voilà, c'est. Alors, attention. Alors, est-ce qu'on leur laisse 3 ou est-ce qu'on dit 4? Parce que si on dit 4, il faut les. Ah, il faut les trouver. Hein. Sinon, c'est eux qui marquent le point. Est-ce que vous pouvez me citer plus de 3 pays producteurs d'huile d'olive de manière industrielle? D'accord. Vous ne me coupez pas un doigt si je me trompe. Non. Non, mais 4 alors. Alors, 4. Oui. Ah. Gégé et Maurice, est-ce que vous pouvez nous citer plus de 4 pays qui font de l'huile d'olive? Industriel. Ah ben, industriel. C'est dire qu'ils sortent des bouteilles, quoi. Hein. Ah oui. On est bien d'accord. Non, on va leur laisser. Non, on laisse. Non, tu les. Bon, bah, GG, faut que alors, tu dises. GG, hein. Alors. Bah, est-ce que tu dis. Bah, non, bah, est-ce non. Est-ce que tu fais plus c'est que après 4 que tu réfléchis. Est-ce plus que 4 ou pas 3, 4, 5. Alors, 5 alors. Mmh. Bah, 5. Moi, je m'arrête à 5. C'est-à-dire qu'il faudrait dire 6. Là, il faudrait que vous disiez. Moi, je m'arrêterai à 5. 6. Attention. Non, mais faut pas les noter. Faut... Bah, il fait. Oui, bah oui mais c'est lui. Il triche. Il triche. Après, ah, il dit... je triche. Après, il dit que c'est les autres qui trichent, mais c'est je lui qui triche. Je triche pas, c'est pour me rappeler après. Alors, est-ce que vous pouvez me citer plus de 6 pays qui non. produisent de l'huile d'olive non. de manière industrielle? Oh, si, pour rigoler, non, non. Ah, bah, non, moi, de perdre, ça me fait pas rire. Ah, c'est un winner. C'est un winner, Fred. Ouais, c'est ça. Ça la différence. Donc, vous laissez à l'équipe des. Sinon, si tu dis 6, tu emportes la responsabilité. 6 points. C'est vrai. Comment ça, 6 points? Bah, un point par bonne réponse. C'est nouveau, ça. Oui. Quoi, non, ça vient de sortir. 6 points. Un point par bonne réponse. Non, mais c'est-à-dire qu'ils vont marquer 5 points. Voilà. Ah, s'ils les donnent les 5. Ouais. Hein. Ouais. Alors. Mais bon, ils vont les donner les 5 dans les industries d'Andorre. Bon, bah démerde-toi. Alors, est-ce que Roland t'en a 6? Oui, il en a même 7, même 3. Alors. Attends. Non, mais si. Non, ah, mais si. Faut dire. Si tu les as, il faut les donner. Faut hein. dire oui ou non. Allez, 6. Ouais. Roland, vas-y, Roland. Non, mais. 6 points. Vas-y, hein. Roland. Philippe, faut que tu sévisses. J'en ai 5, il me manque un allez, pays, mais je vais tenter le coup. 6. 6. Est-ce que GG, vous avez plus de 6 pays qui produisent de l'huile d'olive de manière industrielle? Non. Donc, votre engagement, cher Roland et cher Frédéric. Non, pas. Tu ne me mêles pas ça. Pour 6 points. C'est donc de me citer 6 pays qui produisent de l'huile d'olive de manière industrielle. On vous écoute. D'accord. Alors, ça existe hein, d'ailleurs. Oui. L'Italie, exactement. 1. L'Italie, le Portugal. Le Portugal. Si, 2. C'est sûr. La Grèce. 3. L'Espagne. 4. Israël. Attends, j'en ai deux. Moi, j'ai le Maroc. Sûr. Alors, 4. Israël. 5. Le Maroc. 6. La Tunisie. Ben ça y est, on a nos 7. 6. Ben ça voilà. y est, c'est bon. Et bien donc, vous avez vos 6. Voilà. Vos 6 points sont marqués. Merci. Bravo. Bravo. Eh. Non mais GG, il y avait la Turquie, ouais, c'est, la Turquie également. L'Algérie, c'est pas mal. J'allais dire l'Algérie. Tu vois, non mais tu vois, l'Iran fait de l'huile d'olive aussi. Tu vois, c'est bien qu'il faut bluffer des fois. Ouais, ouais. Entre deux bombes nucléaires, l'Iran fait donc de l'huile d'olive. Il y a le Liban aussi. Mais attendez, vous savez que la France oui, bah, moi j'ai mis la France en premier. Ouais, Chypre, la Croatie, voilà. La Serbie, comment la Slovénie, moi, j'avais Chypre. La France, Chypre, le Liban. Et le premier producteur au monde d'huile d'olive, en Amérique, c'est Andorre. C'est l'Espagne. Ah, l'Espagne, ouais, d'accord. Et oui. Bon, alors, eh bien, vous avez marqué 6 points. C'est quand même extraordinaire. Ouais. Et pour vous récompenser... Une chanson. On fait une petite... Tournée de blague. Non, pas du tout. une petite roulette russe. Ah. Une deuxième roulette dangereux. Russe. Attention. Mais sors pas tes papiers, de toute façon, tu les as pas. Que j'explique aux auditeurs. À chaque fois, on dit roulette russe, Maurice, affolé, sort... Il a 5 chemises avec des papiers dedans. Il sort ses trucs. De toute façon, elles sont pas dedans, ces blagues. Attention. Donc, c'est comme tout à l'heure, Roland. Tu dis stop quand tu veux. D'accord. C'est parti. Mario Boss, Star Wars, skieur juif, sex shop, top. Ah, oh le sex. Ah, celui-là on l'aime bien. Un petit truc au lait. Ah, celui-là on l'aime bien. Allez. Celui-là on l'aime bien. Ah, ça j'aime bien. Alors, mon cher Roland. Oui, je t'écoute. Tu rentres dans un... Tu te démerdes tout seul. Hein. Oui. Tu rentres dans un sex shop. Ça, oui, c'est un monsieur qui rentre dans qui rentre dans un sex shop. C'est une dame. C'est une dame, tête d'andouille, qui rentre dans un sex shop. Non, pas spécialement. Ouais. Ça marche avec un monsieur aussi. Ça peut marcher. Ça dépend du monsieur. Oui. Ça dépend de la voix qu'il va faire. Bon, je me casse. Salut. Écoute. Non, écoute. Je t'écoute, moi. Il l'a encore fait il y a 3 semaines, il ne sait pas la raconter. Non, mais il ne connaît pas l'histoire. Non. Alors, c'est c'est une dame qui rentre dans un sex shop. D'accord. Et qui demande au vendeur les différents modèles qu'elle voudrait pour des godes, et tout ce qu'il y a dans un sex shop, bien sûr. Et non, non, pas tout ce qu'il y a dans un sex shop. Mettez pas dans le vent micro, ça sert à rien. pas tout ce qu'il y a dans un sex shop. C'est une histoire qui porte sur les gars de Michel. Voilà. Les gars de Michel. Voilà. Donc n'essaye pas d'improviser parce que tu sais pas. Il y a que ça qui l'intéresse. Voilà. Ça, t'es un peu omnibulé par les gars de Michel. Non, mais je suis omnibulé par la qualité de ton racontage de blagues. Bon, merde! On s'est quand même pas fait casser la gueule en 40 et en Algérie pour avoir une espèce de résidu de fond de capote qui nous a raconté une histoire de merde! Et qui les raconte mal en plus! Ah, j'en peux plus! J'en peux plus! Vas-y vite, Maurice, pour qu'on rende l'antenne. Ouais. Bon, c'est une dame qui rentre dans un sex shop et qui demande au vendeur qu'est-ce que vous avez en godemiché? Voilà, stop! En godemiché. Dernier modèle. Il faut toujours qu'il rajoute du sel. Alors, d'accord. Le vendeur lui dit, vous voyez, madame, j'ai des grands, des petits, des moyens, des jaunes, de toutes les couleurs et tout. Et la dame se retourne. Elle lui dit, mais celui qui est sous l'étagère, là... Ça va sortir, bats-toi, bats-toi. C'est Alien, c'est Alien. Ouais, ça, non, non. Ah, au secours. Oh là là. Elle a un orgasme, la cliente. Et celui qui est sous l'étagère qui est rouge, est-ce qu'il est en vente? Le gros qui est sous l'étagère qui est rouge, est-ce qu'il est en vente? Et le vendeur lui dit, non madame, ça c'est les sphincters. Ah, c'est la meilleure de la soirée. Oh là. Le clou du spectacle. J'ai retrouvé le mot que je cherchais. Oui. Épave. Ah oui. Bon, allez, dans quelques instants, Roland, tu vas pouvoir nous faire un deuxième petit extrait du spectacle. D'accord. Donc prépare-toi. On revient avec Roland Haussmann. D'accord. Retour, on va se marrer avec Roland Haussmann. Ouais. Ouais. Alors Roland, on vous l'a dit, sa pièce s'intitule Looking for Didier Vermont. Et là, encore une fois, on va le solliciter puisqu'il est sur la scène d'On va se marrer pour un nouvel extrait. Voici Roland Haussmann. Ça faisait 2 ans que j'avais quitté Prisca, mais c'est comme si c'était hier. Maintenant, je me demande un peu comment j'ai pu reconstruire ma vie. Ah, Prisca. On habitait un petit corps de ferme du côté de Béthune. Il pleuvait souvent, mais on s'en moquait. On avait la clim. On pouvait passer des heures à rigoler. On s'arrêtait comme ça, face à face, l'un dans l'autre, le regard embrasé et sur un... je ne sais quoi. C'était fabuleux. Tous les petits moments de la vie quotidienne devenaient magie plurielle. Le petit-déj, une fête foraine. La balade du dimanche, une épopée d'Indiana Jones. On était unis comme les deux doigts de la main. Dans ses yeux, je voyais l'océan Pacifique, le désert de Gobi, les temples de Samarcande. Quand elle souriait, je voyais ses dents. Noires. Et ses plombages luisants entre lesquels perlaient des minuscules bouts de laitue sectionnés. À sa vue, je crois que j'oubliais tout, la terre, le ciel, les oiseaux et ta mère, jusqu'au visage du facteur. Sa voix me transportait, son odeur aussi. Elle réveillait en moi une énergie inconnue dans laquelle je n'étais que plumée cendre quand nos corps s'embrasaient, la terre ne venait carrée. On creusait un puits d'eau ferrugineuse jusqu'au centre de la planète. On pouvait passer des heures dans la chambre froide. C'était la fille du boucher. Accrochée au crochet. S'observant, se rapprochant, se prenant, se lovant et se relovant encore. Ah, Prisca. Ah, ma pravda dépravée. Ah, et puis un jour, il a fait nuit. Elle laissait toujours des détritus dans le fond du lavabo quand elle faisait la vaisselle, ce que je pouvais pas supporter. Et elle, c'était mon haleine de fennec matinale. Et les bruits de sanglier que je faisais, qui la rendaient malade. Jusqu'au soir où l'imprévisible, l'improduisible, l'improductible se produit. 19h32, retour de match, la Bérésina défaite 5-0. 5 apéros. J'avance dans la pénombre luisante. Au mur trône un papier peint dépoli qui semble demander pardon. Un dos de guerrier Maasai. Un pas en avant, un pas en arrière, à droite, à gauche, en haut, en bas. Et on fait un tour. À droite, la porte, la poignée. La cuisine, elle est fermée. À droite, la poignée, la cuisine, elle est ouverte. Elle est là, Prisca, échevelée, extatique, hiératique, boulimique, enfin bourrétique. Un mince « bonsoir » s'échappe de ses lèvres charnues. « Bonsoir ». Ses yeux se plissent, elle est contente, je rentre. Tic-tac, carillonne ma montre à quartz. Il est 20h, la télé s'éveille, c'est l'heure des infos. La table est propre et nette. Deux assiettes frémissent encerclées par des couverts patibulaires. Il s'en échappe comme une odeur du bonheur. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai pris sa tête. Et je l'ai mis dans la soupe. Si elle a gémis, non. Elle avait le nez dans le vermicelle. Les carottes étaient cuites. On les a dégustées à l'eau sans sel un soir de mai. Nacht, nuit, ich bin allein, je suis seul, und, et ich frage mich, je me demande, warum, pour. Quoi. Alors, quand je vous dis qu'il fout les jetons, ce type. Quand je vous dis qu'il fout les jetons. J'ai vu que Maurice a eu peur. Il a serré les fesses. Hein. Oh bah, et pourtant, c'est pas souvent. Non, mais Maurice. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, un courant d'air. Bon, ah, alors Maurice, ouais. Roland Haussmann, il va continuer à nous faire rire. Bien sûr, c'est au théâtre populaire du Renitas, oui. Dans le 20e arrondissement, au 36 rue Henri Chevreau. Ah. C'est au métro Pyrénées et le numéro de téléphone pour réserver. Ah oui, très important. C'est au 01 46 36 74 15. Voilà. Et sur billet réduit, bien sûr. Bien sûr. Ah, très et bien. C'est tout. Et c'est un samedi sur deux à 20h. À 20h, tout à fait. Parfait pour la promo, Maurice. Alors Maurice, tant que tu as le micro, je te propose de faire ton épreuve pour Roland et pour toutes les pour toutes les radios qui nous diffusent, l'épreuve de la photo mystère. Ouais, ça, c'est vraiment une épreuve, on peut le dire. Donc, on confie chaque semaine à Maurice une photo mystère qu'il a pour mission de vous faire découvrir. Il doit vous la faire découvrir. Hey, moi, GG. GG, regarde là, s'il te plaît. Il doit vous faire découvrir cette photo. Il doit vous faire découvrir cette photo en vous donnant des descriptions, des informations très importantes. Il n'a pas le droit de prononcer le nom de la photo mystère, bien sûr. Il a un mot interdit qu'il n'a pas le droit de prononcer non c'est plus. Lequel? Car il pourrait vous faire trouver la photo mystère très rapidement. C'est par coup de 10 secondes. Donc, il donne 10 secondes d'information à son équipier, GG, qui peut trouver très vite. Si GG ne trouve pas, c'est 10 secondes pour vous, etc. etc. Et c'est la d'accord. première équipe qui trouve, qui marque le point. D'accord. Trouve jamais avec ses explications. Alors Maurice, c'est lui qui déclenche le chrono, puisque quelquefois, il met un peu de temps à réfléchir. Alors, c'est... Non, non, mais ça, il ne le fait plus. Maintenant, ah bon il, bah, ah, oui. tu ne le fais plus. Non, non. Alors Maurice, quand tu veux. On y va. Stop, c'est pour Gérard. C'est un objet qui a environ 50 cm de grandeur. Qui contient du bois. Ah. Non, regardez pas la photo mystère. Ah oui, de... Allez, attends. Ah oui, ouais, là-bas. Voilà. Ah, oh, j'ai pas eu le temps. Je sais pas les tricheurs. Moi, on trouve jamais. Alors, j'ai un objet de 50 cm avec du bois. Et qui sert à quoi? Ah, attends, nez, il l'a pas encore dit. Le nez de Pinocchio. Alors, au hasard, GG, parce que là, c'est difficile. Non, la première fois, c'est impossible. Une cuillère. Non. Donc maintenant, c'est 10 secondes c'est d'info nous. Pour vous. T'as une idée, toi ? Roland, non, mais il va vous donner ah les oui, infos. Ah oui, ah d'accord, oui, d'accord, bien sûr, bien sûr. D'accord. Quand tu veux, Maurice. D'accord. Alors, stop. Mmh. C'est utile dans un ménage. On le trouve dans un appartement. Il sert au niveau de l'eau. En bois ? Non, parce que... J'ai pas mais n'en rajoute pas. Canoë. Il sert au niveau de l'eau dans un appartement. Ah. Canoë kayak. Ah oui. Il faut un grand appartement. Ouais, ouais. Mais c'est possible. Non, mais c'est un truc. C'est peut-être un égouttoir ou un porte-savon, tu vois, un truc comme ça. En bois. Ouais. Hein? Égouttoir pour la vaisselle, tu sais. En bois. En bois. Oui, mais c'est ici. J'ai rien dit. Mais non, mais j'ai rien dit. Moi, je veux pas vous. Un égouttoir. Un égouttoir, tu crois ? De 50 cm ? Oh bah, ouais, il faut avoir une bonne cuisine. Enfin, bah, c'est, alors. C'est le seul truc de 50 cm que Maurice peut égoutter. Alors, Oh, c'est pour plaisanter. Mais c'est pour rigoler. Alors, une réponse donc ? Un égouttoir. Un égouttoir, ouais. Non. Non. Ah, alors, GG, écoute bien ces informations capitales. Mm. Tu te rappelles ce que j'ai dit au départ ? Oui, oui, je ne suis pas débile. Stop. Ça comporte une zone en caoutchouc, oui, qui est une forme ronde. C'est un débouche évier. Il est obligé de lire. Bah, ça, tu sais, les trucs. Ça a un nom, hein. Ça a un nom. Ah non, ça a un nom. Ah ben dans l'annuaire, ça a un nom. Hein. Dans le dictionnaire, ça a un nom. Dans l'annuaire aussi. Dans l'annuaire, si Vermont. C'est ce que je pense, j'ai deux, trois noms à te donner. C'est une ventouse. Non, ouais. Il m'a rien dit. Ah, non, on t'écoute, Maurice. Eh oui, c'est une ventouse. Ben oui. Eh ben voilà. Ah, c'est une ventouse. Ah. Bravo. En bois. Ah, alors déjà, très bien. Bois, le manche. Rien, le manche est en bois. Ah, le manche est en bois, oui, bien sûr. Et donc, mais dans les mots interdits, t'avais manche. Non. Bah alors, tu pouvais pas dire que c'est un manche. Non, toi, t'es con comme un manche, hein, par mais contre. Mais non, je n'allais pas te le dire à toi, quand même. Oui, alors, voilà. Attention, parce qu'il y a un autre point à marquer avec le mot interdit. Le mot interdit, c'est quoi ? Bah, caoutchouc. Mais non, il l'a dit. Non, je l'ai dit. Ah, tu l'as dit, caoutchouc. Caoutchouc. Si t'as dit une ventouse, ça sert ventouse. À quoi ? Aspirer. Bah oui, ça sert à aspirer. Mais oui, bien sûr. Non, non, mais c'est tout à fait logique. Alors. Déboucher. Déboucher, il a raison. Ah. Alors, oh bravo. Oh là là là là là là là là. Ouais. C'est des diesels. Ils sont partis là. Ah bah c'est joyeux à vos questions. Non, pas du tout. Non. Donc, généralement, Maurice dédicace la photo mystère et la remet à l'invité. D'accord. Ah, merci. Ouais, s'il te plaît. Et la dédicace. La dédicace quand même. Mets-moi une petite signature, alors, un truc. Mais amicalement. Mais qu'est-ce qu'il est branque, un truc sympa. Donc, Roland, par bisous, contre, une mauvaise, enfin, une bonne et une mauvaise nouvelle. Ouais. La bonne, c'est que dans quelques instants, nous allons nous retrouver. Merci beaucoup. La mauvaise, c'est qu'en fin d'émission, Frédéric nous le sort. Oui. Ça, on ne t'avait pas prévenu, mais... Comment ? Oui, Frédéric nous le sort. Je vous le sors en fin d'émission, vous, vous ne pouvez pas faire autrement. Voilà, c'est obligatoire. Mais on te rassure, c'est son petit quiz. Ah oui. D'accord. Voilà. D'accord. Restez avec nous, reviens avec le petit quiz. Voilà, regarde, mais non, mais si, donne-leur. Et les curlis de Frédéric. Ça, c'est pas que je voulais pas lui donner, c'est que tel qu'il prenait, il le fout par terre. Ouais, c'est ça. Allez, revenez avec nous, enfin, restez avec nous. Roland revient avec le petit quiz de Fred. D'accord, ouais. Retour, on va se marrer avec Roland Haussmann. Ouais ouais Roland, ouais qui ne craint rien, ouais, puisqu'il a, on vous le rappelle, déjà joué avec Frédéric Coster ici présent. Bien sûr, bien sûr. Il y a maintenant quelques années. Alors, pas tout à fait. Ah bon, tout à fait. Mais non, je te disais, il avait fait notre première partie. Non, la première partie, partie bien sûr. D'accord. C'est lui qui nous avait chauffé le public. Voilà, j'avais chauffé la salle. Enfin, je ne sais pas si j'avais chauffé. Oui. Alors, je t'avais ouvert tous les radiateurs. Ah, voilà, exactement. Fred, en fin d'émission, lui, nous fait chauffer son petit quiz. Oui, exactement. Bon, allez, ah pardon, alors oui, c'est à moi. T'en étais à donc. Alors oui, j'en étais. Ah oui, donc c'est un petit quiz et comme nous sommes en période éminemment politique, c'était pas un quiz musical cette semaine. Ah. Il va vous falloir reconnaître 8 personnes qui ont été pendant la 5e République candidats à l'élection présidentielle. Il y en a peut-être qui ont gagné, il y en a certainement qui n'ont pas gagné. Et donc, il va falloir les reconnaître. Et ils sont donc au nombre de 8. D'accord. Bon, alors, on écoute, on note et on décompose après. Exactement. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go. Let them do. Bonjour. Comme le disent les Chinois, qui n'est pas venu sur la Grande Muraille n'est pas un brave. Et qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude. Nous vivrons, et l'économie française, et les industriels et les commerçants français doivent vivre désormais dans la préoccupation permanente. Il s'agit de se dire qu'ils sont toujours menacés par la concurrence, qu'il faut toujours qu'ils fassent mieux, qu'il faut toujours qu'ils produisent à meilleur compte. Y compris vous, hommes de gauche, car n'oublions pas que même le Front populaire en 1936 n'avait pas donné le droit de vote aux femmes. Dans ce pays, il a fallu attendre la fin de la guerre, 1945, pour que soit octroyé aux femmes le droit de vote. Depuis le temps où j'ai appelé à se rassembler toutes les forces populaires afin de changer de politique, je suis donc dans ma logique. Et puisque par-dessus le marché, j'ai eu la confiance des miens, la confiance des socialistes, alors, votre question n'a plus beaucoup de sens. Et vous avez eu raison de le signaler. C'est très important pour un homme au gouvernement, et a fortiori Premier ministre, de pouvoir, une, deux ou trois fois par mois, venir passer fût-ce quelques heures dans sa ville pour y entendre ce qui ne parviendrait pas jusqu'à lui. Il y a des centaines de milliers de mal logés dans notre pays. Pas seulement des Roms ou des familles africaines, mais des millions de personnes qui sont entassées dans des logements trop petits, qui vivent dans des appartements humides, moisis, avec des peintures au plomb. Plus vous nous faites perdre de temps, moins je répondrai à vos questions. Je n'accepterai pas votre méthode qui vise à empêcher la clarté pour l'auditeur. Vous voulez pas le changement, vous n'êtes pas intéressé au changement. Monsieur le candidat. Aïe, aïe, aïe. Il y a eu de la recherche. 40 ans d'histoire de la 5e République. Il y a eu de la recherche, d'accord. Il y a trop. Moi, j'ai tout. Ah, moi, Roland, t'en as trouvé combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais j'ai une blague au milieu de tout ça. Donc, ouais. Et deux même, peut-être. Ah! Bon, ben, on va la... Maurice, t'en as... Moi, j'en ai 5. Ouais. Ouais. Philippe? Mais il m'en manque une. Ah, j'ai honte. La 3. J'ai honte. La 3? Oui, je l'ai pas retenue. Moi, je sais. France 3? Bon, bah, on va la décomposer, non? Ah bah, comme Maurice. Hein. Voilà. Alors on va... Comme d'habitude. Allez, on y retourne. Alors, on refait. Ah oui, là, la Roland, tu nous donnes les réponses que tu as trouvées et les autres... D'accord. Alors. Bah, Chirac, bien sûr. Jacques Chirac, what do you want? C'était en Israël. Bien sûr. Ah, oui, oui, oui. Mais oui, c'était en Israël. Ouais. Ce que j'aime bien, c'est qu'il s'énerve. Le service de sécurité israélien, je crois. Attends, ce que j'aime bien, c'est qu'il s'énerve, il s'énerve, il s'énerve. Bonjour. Suivante. Sur la grande muraille, n'est pas un brave. La bravitude, la tristitude, c'est Ségolène Royal. Nous vivrons. Et alors, l'économie française, alors là, et les industriels et les commerçants français doivent vivre. Et oui, c'était Georges Pompidou. Georges Pompidou. Ah, je ne l'ai pas reconnu. Bah, mais tu vois, il s'agit pas de dire qu'ils sont toujours menacés par la concurrence, qu'il faut toujours qu'ils fassent mieux, qu'il faut toujours qu'ils produisent à meilleur compte. D'accord. Y compris vous. Ça, je l'ai. Arlette Laguiller. Car nous n'oublions pas que même le Front populaire en 1936 lors de sa première campagne en 1974. Vote aux femmes. Dans ce pays, il a fallu attendre la fin de la guerre 1945 pour que ce soit octroyé aux femmes le droit de vote. Comment elle s'appelle déjà sa remplaçante? Nathalie Arthaud. Quelle horreur, c'est encore pire. La fille de Florence Arthaud. Depuis le temps où j'ai appelé à se rassembler toutes les forces. J'ai dit François Mitterrand. Bien sûr. François Mitterrand, bien sûr. Il est socialiste. Je suis parti du marché, j'ai eu la confiance des miens, la confiance des socialistes. Les socialistes. Alors, sauver le convent. Ouais. C'était le maire de Bordeaux. Signaler. Alors là, moi, j'ai Louis de Funès. Chabandelmas. Chabandelmas. Candidat en 74. Jacques Chabandelmas. Une, deux, trois fois par mois. Chabandelmas. Venir passer juste quelques heures dans sa ville. Qui a un stade à Bordeaux, d'ailleurs. Mais c'était le maire de Bordeaux. Maire de Bordeaux, bien sûr, maire de Bordeaux. Dans très longtemps. Ouais. Il y a des centaines de milliers de mal logés. J'ai Dominique Voynet. Je penserais que Bob était là, c'est pour ça que je l'ai mis, parce que je sais qu'il aime pas. Il la déteste. Mais pourquoi elle est très sympathique? Elle est sympathique. Connasse. Qui vivent dans des appartements. Non, elle est mignonne. Elle est mignonne. Alors attention, parce que le dernier est très difficile. Oh non. Très difficile. Ah bah, je vais juste poser une question avant. Parce que chaque fois, entre chaque homme politique, il y avait un petit bruit de casserole. C'est parce que tous ces politiques ont tous des casseroles. Ah bah, ils sont hommes politiques. Plus vous nous faites perdre de temps. Georges Marchais. Mais oui, Georges Marchais. Candidat en quelle année? Georges Marchais. Ah, 82. Non, avant non, 81, bien sûr, pardon. C'était la Coupe du Monde en 82, autant pour moi. 81, oui. C'était la fameuse émission avec Jean-Pierre Elkabbach et Alain Duhamel. Bon, ça va. On peut dire quand même que notre invité a été particulièrement brillant. Ah bah oui, bravo Roland. Ça change des précédents. Ah bon, bah alors, oui. Oui. Pardon. Non, je rigole. Oui. Et mes acclamations. Ah, j'ai oublié. Les Don Saluste. Les acclamations de Don Saluste. Bravo. Et Don César. Quand même. Et Don César. Quand même. Don Saluste. Mais... Allez dedans. Oui. Les deux vieux en face, ils m'acclamaient pas. Ah, si, j'ai cru que si, moi, il me semblait que si. Tu parles. Si, si. Alors, nous arrivons en fin de parcours. Oui. Ah bah oui. Et il est temps de faire les totos. Ah. Oui. Ah, les totos. Maurice, pourquoi tu ricanes? Qui va à la pharmacie. Oui, hein. Alors, je dois dire quand même que les piétonniers de la République. Oui. Ta gueule. Maurice et GG. Il est mauvais perdant. Quand. Bon, je reviens en septembre. Hein. Mais, non, d'habitude, vous marquez plus de points que ça. Mais d'habitude, il y a Bob. Moi, t'as vu les questions à la con sur les militaires. Attends, mais. Non, bah, pourtant, les militaires, vous ça devrait te plaire, des militaires. On aime mieux les pompiers, nous. 3 points quand même. 3 points. 3 points, c'est quand même pas mal. C'est pas mal. Bravo, c'est pas mal. Bravo. Quand même, ouais, vous c'est pas mal. Il a plus de dents. Et je dois dire que les otaries ici présents vous ont écrasé. Combien Alors, je vais quand même dire avant que GG gueule que vous avez marqué 16 points. Ah ouais. Et Frédéric a toujours la victoire. Je vais dénoncer parce qu'il paraît que la prostitution c'est interdit. J'ai toujours le triomphe modeste. Bon, ça n'empêchera pas quand même Maurice. Tu t'étonnes que la France soit d'aller au pute, Maurice. Ça nous empêchera pas d'aller voir Roland. Non, bien sûr. Maurice, on ira voir Roland un samedi sur deux à 20h. Au théâtre populaire du Renitas, dans le 20e arrondissement, au 36 rue Henri Chevreau, au métro Pyrénées. Et par téléphone, pour réserver, c'est au 01 46 36 74 15. Billet Réduc aussi. Exactement. Et alors, la deuxième actualité de Roland, fais-la quand même, Maurice. Alors, la deuxième actualité, c'est le dimanche à 17h. C'est à la Comédie des Trois Bornes, au 32 rue des Trois Bornes, dans le 11e arrondissement, et le spectacle « Quoi qu'il arrive, match d'impro ». Et c'est tous les dimanches. Et si on veut des renseignements, on te retrouve sur Facebook. Exactement. Ah oui. Alors ton Facebook, il est facile à trouver. Roland Haussmann, R-O-L-A-N-D. Ouais, O-S-M-A-N. Avec un espace entre les deux. Oui, voilà, bien sûr, bien sûr, tout à fait. Bien, merci Roland de ta visite. Merci à vous, merci à vous. Merci beaucoup. Merci à Maurice et toutes ses blagues. GG, très bon joueur. Frédéric Costel. Davy pour la réalisation. René pour l'intendance. Une émission présentée par Marthe Villalonga. Alors, des choses importantes à vous dire. Vas-y, je dis un très, très important. Si vous voulez retrouver les anciennes émissions, c'est sur onvasemarrer.com. Si vous voulez rejoindre On va se marrer sur Facebook, il y a la page Facebook On va se marrer avec les photos de l'émission. Elles y sont. Et puis, il y a le podcast sur iTunes. Vous tapez On va se marrer sur iTunes et vous nous retrouvez. Oui, Maurice. On remercie Roland d'être venu ce soir. Merci, merci. On l'a remercié. Merci à Roland. Toi marrer. Aussi, t'es remercié. Tu peux prendre ton chèque à la compta. Merci de votre patience. À la semaine prochaine.